boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Nouvelle fois, après les Peaky Blinders et autres films de Tarantino, c'est grâce à mes appointances cinématographiques et sériales graphiques que j'ouvre ce 292e Pop and Rock sur la très locale RVR. Et cette fois, ce sera avec la série Slow Horses qui m'inspire pour le titre Slow House. Si la voix de Mick Jagger est reconnaissable entre mille, Dan Pemberton est lui plus confidentiel, pourtant compositeur talentueux de différentes BO de films, mais ce soir, l'essentiel n'est pas là. Tell her where the rain will Et vos caches collées, tous les machins qui vous cachent, il va faire froid dans Pop and Rock sur RVR. Hear my name, and the devil. Ouais, ce soir, c'est sûr, Pop and Rock ne fera que dans les énergiques 80s. Sweat in the heat. Et les 80s, les années 80 ont été noires et elles ont été froides, même si ici je ne parle ni de politique ni d'économie, juste de la cold wave. Cold Wave, Black Wave, loin de la douce New Wave. Il y avait donc les Sisters, les Mission, il y avait Cure, Bauhaus, mais il y avait aussi les plus populaires Depeche Mode. Tell me.

said, just when you think she's yours, she's flown to other shores to laugh at how you break and melt into this lake. I flow down. Mais de temps en temps, les années 80 se réchauffaient malgré une pluie incessante. Ouais, je sais, drôle de version que j'avais mixée il y a quelques années entre l'original et la reprise faite par Human Tetris qui aurait eu toute sa place dans les années 80. Mais revenons aux années 80 et à ces groupes froids et transcendés par des mélodies sans concession, et là je pense aux grands bretons anonymes de Sad Lovers and Giants. We will be ashes. Parmi tous ces mecs, quelques filles résistaient et l'une d'elles était la chef des Pretenders. Cul-de-sac. took on my bed. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Comme dirait le programmateur, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, au 104.6 sur Pop & Rock avec RVR. Et sur ce, bon vent à tous! away. It's just a kiss away. Whoa.